Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Pour les Israéliens, c'était une chance inouïe, une occasion comme il s'en présente rarement. Le propre gendre de Nasser se proposait de devenir leur espion. Une taupe nichée au cœur même du pouvoir égyptien. Et dès son recrutement en 1969, ce très cher espion, 100 000 dollars à chaque rendez-vous, Ashraf Marwan, transmet au Mossad des informations de première main. Par exemple, le compte-rendu d'une rencontre entre le Raïs égyptien et les dirigeants soviétiques, rencontre au cours de laquelle il est question d'importantes fournitures d'armes. Bien entendu, les chefs du Mossad, qui n'étaient pas réputés pour leur amateurisme, ont pris des précautions afin de s'assurer qu'ils n'avaient affaire ni à un provocateur ni à un agent double. Rassurés par leur vérification, ils accordent donc leur confiance à cet élégant jeune homme qui a séduit la fille préférée de Nasser, Mona. D'autant qu'après la mort de son beau-père en 1970 et l'accession au pouvoir d'Anwar el-Sadat, Marwan prend du galon et devient le conseiller du nouveau président. Cependant, M. X a des doutes. Certes, la taupe livre de précieux renseignements à ses employeurs israéliens, mais quand, à plusieurs reprises, il affirme que l'armée égyptienne est trop faible pour reprendre l'offensive après la raclée qu'elle a subie lors de la guerre des Six Jours, ne cherche-t-il pas à intoxiquer les chefs de Tsahal? La suite avec M. X, alors que bientôt va éclater la guerre du Kippour, où l'on assistera pour la première fois au vacillement de l'armée israélienne et où un vent de panique soufflera sur le gouvernement israélien à tel point que le Premier ministre Golda Meir a même pensé utiliser l'arme nucléaire pour repousser les Égyptiens qui progressaient dans le Sinaï. Един живот не ми го наладиле. Ние сме небесни бездомници, копелите. Аз съм красива, само свободна. Аз боса ходя. Je vous l'ai dit la semaine dernière, très tôt, Anwar el-Sadat a décidé d'attaquer Israël. Et d'abord parce qu'il avait promis aux officiers qu'il lui avait permis de consolider son pouvoir. C'est juste. Ouais. Des militaires qui veulent effacer l'humiliation de la guerre des six jours. Et en octobre 1972, au cours d'une réunion ultra-secrète qui se tient dans sa résidence de Gizeh, Sadat demande à son état-major de préparer un plan d'attaque. Tandis que, d'autre part, il se livre à un subtil jeu d'équilibre entre le camp occidental et le camp communiste. Ouais. Il renvoie chez eux les militaires soviétiques installés en Égypte, mais en même temps, il obtient de Moscou la livraison de matériel très moderne. Tout en faisant les yeux doux à Washington, où tout comme en Israël, on ne croit pas à une reprise des combats. Et si les dirigeants israéliens sont si confiants, est-ce à cause des informations que leur a transmises la taupe Marwan? En partie, oui. Mais il est vrai qu'ils se sentent sûrs d'eux-mêmes. Et d'abord à cause de l'édification de la formidable ligne Barlev qui protège la rive orientale du canal de Suez. Une ligne de fortification très difficile à franchir. Hein. D'autant qu'il faut d'abord que les attaquants franchissent le canal. Et puis il y a une autre raison qui conforte les Israéliens. Fondamentalement, ils sont persuadés que les soldats égyptiens ne seront pas capables d'accomplir un tel exploit. C'est un complexe de supériorité. Et un mépris certain pour les capacités militaires des armées arabes, qu'ils ont déjà battues à deux reprises. Et puis, il y a chez les Israéliens une confiance totale dans leurs services de renseignement. Or, ceux-ci ne détectent aucune menace sérieuse. Ils resteront longtemps, trop longtemps, aveugles. Et là, alors, faut-il y voir à nouveau la conséquence du jeu trouble d'Ashraf Marwan? D'une certaine façon, oui. Mais c'est encore plus tortueux que tout ce que vous pouvez imaginer. Attendez, avant d'aller plus loin, là. Pour vous, il n'y a aucun doute, hein, le gendre de Nasser est un agent double. C'est ma conviction. Je crois vous l'avoir démontré la semaine passée. Pourtant, depuis notre dernier rendez-vous, là, moi j'ai consulté des documents israéliens. Et pour leurs auteurs, Marwan est toujours considéré comme ayant été l'un des meilleurs espions arabes ayant jamais collaboré avec le Mossad. Bien sûr, parce qu'il est difficile d'admettre, même des années plus tard, qu'on a été trompé, ou qu'on s'est trompé, ce qui est la même chose. Alors, bon, ce jeu tortueux, là, pour reprendre votre épithète. Un principe d'abord. Un agent double, pour demeurer crédible, doit donner des renseignements sérieux au milieu d'autres informations qui le sont beaucoup moins. Exemple. Fin octobre 1972, Marwan transmet au Mossad le compte-rendu de la réunion de Gizeh, au cours de laquelle Sadat a donné l'ordre à l'état-major de préparer une grande offensive contre Israël. Il ajoute également que le Raïs envisage d'engager des hostilités avant la fin de l'année. Ouais, alors si la première information est exacte, la deuxième sur la date de l'offensive est erronée. Est-ce à dessein? On peut le penser. Et si c'est vrai, c'est très habile. Bah, je ne comprends pas, là. La prochaine fois, quand Marwan donnera une date pour le début de l'offensive, on sera tenté de ne pas le croire. Mais pourquoi, alors? Si c'est réellement un agent double, alerte-t-il ainsi le Mossad en transmettant une information aussi essentielle? Il joue contre l'Égypte? Pas forcément. Et pour au moins deux raisons. Marwan et ses amis des services secrets égyptiens, les Moukabarat, peuvent estimer que le Mossad, tôt ou tard, surprendra les préparatifs de guerre de l'armée, ne serait-ce que parce que les Israéliens disposent peut-être d'autres espions en Égypte. Mais moins bien placés que Marwan. Hein. Certes. Ensuite, les services égyptiens ont dû penser qu'il n'était pas inutile d'inquiéter Israël. Ouais. La guerre des nerfs après la guerre d'usure de part et d'autre du canal de Suez. C'est ça. Mmh. Mais ça peut se révéler dangereux. Ah, tout à fait d'accord, mais il faut parfois savoir prendre des risques. Mmh. Et quelles ont été les conséquences en Israël après les révélations de Marwan? Un peu plus d'un mois plus tard, Golda Meir réunit un conseil spécial sur les questions de défense. Sont présents le chef d'état-major, Elazar, le nouveau chef de l'AMAN, le service de renseignement de l'armée, Zeira, le chef du Mossad, Zamir et naturellement Moshe Dayan, le ministre de la Défense, plus deux ministres qui ont toute la confiance du Premier ministre. Résultat alors? C'est le point de vue de Zeira qui s'impose. Selon le chef de l'AMAN, il n'existe aucun risque d'attaque car l'armée égyptienne n'est pas prête à lancer une offensive. Conclusion, pas d'état d'alerte car tous sont convaincus de la supériorité militaire de Tsahal. et estime que l'Égypte n'osera jamais déclencher une confrontation générale. Mmh. Mais d'un point de vue égyptien, c'est donc satisfaisant. Mais en même temps, ça décrédibilise Marwan qui avait annoncé une attaque avant la fin de l'année. Sur ce point précis, oui. Et je vous l'ai dit, ça conduira les Israéliens à ne pas attacher une grande confiance aux alertes que leur communiquera leur taupe. Par contre, ils continueront à apprécier les autres informations qu'il leur transmettra. Ainsi, il les informe pendant les premiers mois de 1973 que de nombreuses armes soviétiques, dont des avions de combat, affluent en Égypte, mais aussi en Syrie. Bah ça devrait inquiéter les dirigeants israéliens. Eh bien, pas du tout. Même les manœuvres de l'armée égyptienne et la mobilisation de réservistes ne les troublent pas. Ah, ça me paraît curieux quand même. En fait, les services de renseignement de l'armée israélienne considèrent que l'objectif de l'Égypte est de créer une psychose de guerre afin d'influencer en sa faveur les futurs entretiens qui doivent se tenir entre Nixon et Brejnev. Le chef de l'Aman, le général Zahira, n'est même pas impressionné par les préparatifs parallèles qui se déroulent en Syrie. Damas, affirme-t-il au gouvernement, n'a pas l'intention de commencer une guerre au seul motif de récupérer les hauteurs du Golan. D'ailleurs, il juge aussi que pour les Égyptiens, le Sinaï ne vaut pas une guerre. Est-ce qu'à ce moment-là, on est au printemps 73 à peu près, hein, tous les dirigeants israéliens sont sur la même longueur d'onde? Non. Au Mossad, on est beaucoup plus circonspect. On a même remis à Marwan un appareil électronique qui lui permettra d'envoyer de rapides messages d'alerte au cas où les Égyptiens lanceraient une attaque. Ah ben c'est donc qu'on commence à y croire. Mais à Jérusalem, c'est toujours la vie de Zahira qui prévaut. C'est d'autant plus vrai que Marwan, grâce à son nouveau matériel, enverra plusieurs messages d'alerte qui seront faux, alors même qu'il a transmis un plan détaillé des opérations égyptiennes qui se révélera comme parfaitement exact. Mais 6 mois plus tard. Ouais, toujours ce comportement tortueux que vous évoquiez précédemment. C'est certain. Et ce mélange de vraies et de fausses informations accroît la division parmi les instances dirigeantes de l'État hébreu. Après les chefs du Mossad, c'est le chef d'état-major, le général Elazar, qui commence à s'inquiéter. Même état d'esprit chez Moshe Dayan, qui pourtant garde ses appréhensions pour lui-même. Et sans en faire part alors lors des réunions ministérielles. Là encore, c'est curieux, non? Bah, je suis d'accord. Pourtant, malgré cette politique d'atermoiement, les Israéliens commencent doucement à se bouger. Ils créent une nouvelle division blindée et accélèrent la construction d'un pont mobile qui leur permettrait de franchir le canal de Suez. Oui, en cas d'une contre-attaque sur la rive occidentale. Ils renforcent aussi la ligne Barlev en creusant un fossé anti-char et augmentent les dotations en obus des blindés. Toutefois, ces préparatifs s'accomplissent dans une relative discrétion. Ah bon, pourquoi ? Les Israéliens ne désirent pas affoler les États-Unis en leur donnant l'impression qu'une guerre est proche. Enfin, ils ne veulent surtout pas donner l'image d'un pays aux abois qui serait incapable de maîtriser la situation. Ouais, le mythe de l'État fort et invulnérable. Qui ne craint surtout pas les Arabes. Bref, pour le général Zahira, qui continue à tenir le haut du pavé, Sadat ne fait que de la gesticulation pour se faire remarquer avant le sommet États-Unis-URSS de Washington. Et les services états-uniens partagent cet avis. La reprise des combats est une très faible probabilité. Et pourtant, les signaux d'alerte vont se multiplier. Et pas seulement en provenance de la taupe Marwan. Tout au long de cette première moitié de l'année 73, les Israéliens dorment donc sur leurs deux oreilles, en dépit des nombreuses et très précises informations qui leur parviennent par différents canaux. En témoigne ce message qu'adresse le 22 avril le chef de cabinet de Golda Meir à l'ambassadeur aux États-Unis, Shima Dinitz. C'est un document que j'ai trouvé dans le récent ouvrage de Marius Schattner et Frédéric Chilot, la guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre. Nous recevons des rapports de différentes sources concernant les intentions des Égyptiens de déclencher les hostilités dans un proche avenir. Ils portent sur une attaque combinée syro-égyptienne par terre, air et mer, dans laquelle l'objectif des Égyptiens est de passer le canal avec de nombreuses divisions et de s'emparer des passes du Sinaï, tandis que l'objectif des Syriens sera de récupérer les hauteurs du Golan. Les aviations égyptiennes et syriennes attaqueraient des objectifs en profondeur en Israël et dans des zones avancées proches des lignes de cessez-le-feu. Par ailleurs, l'activité égyptienne le long du Sinaï est routinière, son état d'alerte est routinier. Il en va de même côté syrien. À ce stade, nous ne disposons d'aucune information quant à la reprise des combats dans un avenir proche. Les signaux d'alerte vont donc affluer sans toutefois secouer réellement la nonchalance israélienne. En juin, par exemple, Marwan avertit le Mossad que Sadat a informé le Syrien Hafez al-Assad qu'il a l'intention de déclencher son attaque fin septembre, début octobre. Et rappelons que la guerre du Kippour commencera effectivement le 6 octobre. La fourchette du jour J, livrée par Marwan, est donc remarquablement précise. Et à peu près au même moment, une autre source arabe du Mossad donne une indication. Le début de la guerre aurait lieu en août ou septembre. Ça fait quand même deux renseignements à peu près concordants. Et c'est en effet troublant, mais les Israéliens en tiennent à peine compte. La répétition de ces messages d'alerte là, qui sont erronés, a peut-être fini par lasser les Israéliens. Et c'est sans doute le but recherché par Marwan. Enfin, je ne veux pas me répéter. Cependant, au début septembre, l'espion transmet un nouveau renseignement. Et pour les Israéliens, ça ne fait que brouiller un peu plus les cartes. Marwan affirme avoir assisté à la fin août à une rencontre entre Anwar el-Sadat et le roi Faisal d'Arabie Saoudite. Le raïs égyptien a annoncé à son interlocuteur que la guerre était repoussée à la fin de l'année 73. Et c'est vrai ? Écoutez, j'étais pas sous la table et on ne peut pas exclure que ce dernier tuyau soit une nouvelle tentative de Marwan pour égarer ses employeurs du Mossad. D'autant que, machiavélique, l'espion ajoute, au cours de cet entretien, le président égyptien n'a pas écarté l'idée de changer d'avis. Bref, rien n'est sûr. Et Marwan apparemment s'abstient d'être plus précis. Or, il le pourrait. Que voulez-vous dire là ? À la place qu'il occupe, il a obligatoirement appris que les chefs militaires syriens et égyptiens s'étaient réunis autour du 20 août à Alexandrie afin de coordonner leurs opérations. Mais il s'est bien gardé d'informer le Mossad. De la même façon, il n'a pu ignorer que quelques jours plus tard, Assad et Sadat se sont rencontrés à Damas. Et c'est à cette occasion qu'ils se sont mis d'accord sur la fixation du jour J, le 6 octobre 1973. L'annonce sera officiellement faite à leurs états-majors respectifs 3 semaines plus tard. Mais tout à l'heure, vous m'avez parlé d'autres sources qui avaient alerté les Israéliens. Oui, je pensais à une initiative essentielle, celle qu'a prise le roi Hussein de Jordanie. Ouais, la Jordanie qui, contrairement aux deux précédentes guerres contre Israël, n'est pas partie prenante du conflit qui va éclater. Hussein l'a fermement déclaré à ses homologues égyptiens et syriens lors d'un sommet qui s'est tenu dans les premiers jours de septembre au Caire. Il estime en effet que son royaume a déjà payé très cher la guerre des Six Jours. Ouais, la perte de la Cisjordanie. Et celle encore plus symbolique de Jérusalem. Par conséquent, refusant d'entrer dans la coalition, la date et les plans de l'opération Bard, tel est le nom de code de l'offensive syro-égyptienne, ne lui ont pas été communiqués. Mais le petit roi, comme on l'appelait, dispose d'un service de renseignement efficace. Aussi demande-t-il un rendez-vous d'urgence à Golda Meir. Ouais, il s'apprête à trahir ses anciens alliés ? Ça paraît évident. Mais sans doute cherche-t-il d'abord à éviter un nouveau conflit qui mettrait le feu à la région et se terminerait, il en est certain, par une nouvelle défaite arabe. Donc, fin septembre, le 25 je crois, Hussein va au rendez-vous secret que lui a fixé le premier ministre israélien quelque part au nord de Tel Aviv. Et que sait-il exactement et que peut-il dire à Golda Meir ? Selon une très bonne source syrienne, une attaque serait imminente. Une attaque syrienne donc. Oui. Toutes les unités de l'armée d'Hafez al-Assad sont sous couvert de manœuvres en position de pré-attaque depuis au moins 2 jours. Et Hussein ajoute que l'Égypte sera de la partie. Toutefois, le roi ne donne aucune date précise. Et il exprime quand même ses doutes sur la réalité d'une offensive. Ah ben, il n'empêche qu'il a pris la peine de venir alerter Golda Meir en toute urgence. Alors, comment réagit cette dernière ? Eh bien, elle ne semble nullement alarmée. Elle n'y croit pas. D'ailleurs, quand elle revient à Jérusalem, Moshe Dayan la rassure. Lui non plus ne pense pas que Syriens et Égyptiens vont attaquer. Pourtant, le renseignement militaire a dû observer que les Syriens massaient des chars à la frontière nord d'Israël. Naturellement, comme il a été aussi noté que de son côté, l'armée égyptienne annonçait pour le début octobre un exercice de mobilisation dans le cadre de grandes manœuvres censées durer une semaine. Un exercice qui pourrait être destiné à masquer les préparatifs d'une offensive. Bien entendu. Et pourtant, le renseignement de Tsahal estime toujours que l'Égypte n'est pas encore prête à attaquer. Ouais. Alors comment expliquez-vous là, cette étrange sérénité ? D'abord, le commandement israélien a une totale confiance dans la toute-puissance de son aviation. Ensuite, les généraux sont persuadés que les Égyptiens ne pourront pas emporter la ligne Barlev. Car il faut savoir qu'outre ces fortins édifiés le long du canal de Suez, les Israéliens ont aussi construit de véritables murs de sable qui bloqueront les tanks ennemis. Et même si la ligne Barlev était percée en quelques endroits, les blindés israéliens interviendraient très rapidement. Ouais. À condition qu'ils soient déjà positionnés en arrière de la ligne Barlev. Hein. C'est exact. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont recommandé certains généraux comme Sharon. Mais ils n'ont pas été entendus car l'état-major affirme que l'armée israélienne peut être en état de marche en moins de 5 jours. J'ajoute que les Égyptiens ne ménagent pas leurs efforts en matière de propagande. C'est-à-dire ? Plus le jour de l'attaque approche, et moins les déclarations publiques ou les articles des journaux se font guerriers. Et la presse israélienne est convaincue. Début octobre, les journalistes observent qu'en dépit de la mise en état d'alerte des unités le long du canal de Suez, aucune tension particulière n'a été signalée sur ses rives. C'est alors que Marwan entre en scène. Et comment ? Le jeudi 4 octobre, donc 2 jours avant l'attaque, Marwan refait surface. Il se trouve alors à Paris et appelle au téléphone son officier traitant israélien, ce Duby, qu'il a rencontré pour la première fois en 1969. Il a 2 informations pour lui. Premièrement, il annonce que la Libye prépare un nouvel attentat contre un vol d'El Al sur le sol français. Et deuxièmement, il avertit que l'offensive syro-égyptienne ne tardera pas. Donne-t-il une date alors ? Non, et il faut remarquer qu'il n'a pas utilisé le boîtier électronique qui lui a été fourni pour annoncer une guerre imminente, alors qu'il s'en est déjà servi plus tôt. Oui, la fausse alerte là, du mois d'avril. C'est hein. Ça. Toutefois, c'est assez intriguant. Il termine son message en demandant à rencontrer dès le lendemain à Londres le patron du Mossad, Zvi Samir. Et c'est la première fois qu'il formule une telle exigence. Et c'est donc qu'il a des renseignements importants à lui fournir. Ça me semble évident. Par conséquent, en pleine nuit, Duby transmet immédiatement la requête de Marwan à Tel Aviv. Coïncidence troublante, le renseignement militaire israélien apprend en même temps que les Soviétiques sont en train d'évacuer d'urgence leurs conseillers et leurs familles résidant en Égypte et en Syrie. Ouais, le signe que quelque chose de grave se prépare. Donc, Zamir n'hésite guère. Le 5 octobre au matin, il s'envole pour Londres. Cependant, il a omis d'informer le Premier ministre de son départ précipité. Sans doute parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend à Londres. Hein. C'est possible. Il rencontre effectivement Marwan ? Oui, mais très tardivement. Le rendez-vous a lieu dans une chambre d'hôtel le 5 au soir. Et d'emblée, Marwan livre sa petite bombe. L'attaque syro-égyptienne aura lieu le lendemain, le samedi 6, jour du Yom Kippour. Le jour du grand pardon. La fête religieuse est la plus importante du judaïsme. Oui, un jour où tout semble s'arrêter en Israël. Et bien sûr, la date n'a pas été choisie au hasard. Marwan ajoute une précision capitale. L'attaque se produira à la tombée du jour, c'est-à-dire vers 18h. Or, l'offensive sera déclenchée plus tôt, vers 14h. Alors, Marwan a-t-il sciemment désinformé le Mossad afin que les attaquants bénéficient d'un ultime effet de surprise ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les Israéliens ont-ils péché par négligence ? Il le semble bien si j'en juge par le récit de M. X. et ils ne vont réagir qu'au dernier moment, c'est-à-dire le jour même de l'attaque, le 6 octobre. Pourtant, deux jours plus tôt, ils auraient dû avoir la puce à l'oreille, comme les Soviétiques par exemple. Extrait de l'ouvrage d'un excellent spécialiste de la région, le quatrième tome de « La question de Palestine » de l'historien Henri Laurence. D'un ensemble d'informations parcellaires, les Soviétiques concluent que la guerre est imminente. Ils décident l'évacuation urgente de leurs conseillers et de leurs familles. Elle débute le 4, ce qui provoque la perplexité des Israéliens et des Américains. Serait-ce le signe d'une guerre imminente ou la preuve d'une nouvelle brouille soviéto-arabe, ce que laisseraient indiquer les informations de la presse arabe les jours précédents? Le pont aérien d'évacuation s'accompagne du départ des navires soviétiques des ports égyptiens et syriens, ce dont les Israéliens prennent connaissance le matin du 5. Ceux-ci notent, sans en comprendre la signification, que les soldats égyptiens ont reçu l'ordre de rompre le jeûne du Ramadan. Il en est de même de l'information selon laquelle l'Égypte est en train de fermer son espace aérien à la navigation civile. Vous pensez donc que Marwan a menti à propos de l'heure de l'offensive? Comme il a déjà trompé les Israéliens avec ses fausses alertes. Et je ne suis pas le seul à penser cela. Le général Zeira, ce chef de la manne, demeuré si longtemps aveugle, l'écrira plus tard dans un ouvrage où, pour la première fois, il évoquera le rôle d'une taupe, un agent double. Et à propos du mensonge sur l'heure de l'attaque, il livrera une explication plutôt subtile. Selon lui, en affirmant que l'offensive aurait lieu à 18h, la taupe aurait essayé de pousser Israël à déclencher une attaque préventive, ce qui aurait fait de l'État hébreu un agresseur. Oui, c'est malin, mais enfin, ce n'est qu'une simple supposition. Je vous l'accorde. Et revenons à cette nuit cruciale du 5 au 6 octobre 1973. Ce n'est qu'après 2h30 du matin que Zamir transmet l'information en Israël. L'état d'alerte maximale est aussitôt déclenché en Israël. À 7h30, l'Aman publie un rapport annonçant l'attaque. Pourtant, il y a un couac. Le général Gonen, le nouveau commandant de la région sud d'Israël et donc le responsable du front du canal, affirmera n'avoir eu connaissance de ce rapport que 2 jours plus tard. Et ça explique sans doute en partie sa réaction largement désastreuse. Mais au gouvernement, alors? C'est la stupeur et bientôt la panique. Quand à 13h58, les sirènes retentissent, les Syriens attaquent au nord, 3 divisions d'infanterie et près de 1000 chars fondent sur la ligne de cessez-le-feu de 1967. Et 20 minutes plus tard, ce sont les 2e et 3e armées égyptiennes, 1500 chars, missiles, anti-chars et anti-aériens qui déferlent sur le canal de Suez. Le lendemain, la ligne Barlev est pratiquement tombée. Et vous avez parlé de panique? Ah oui, le mot n'est pas trop fort, car l'effet de surprise a été total. Golda Meir ne se prive pas de critiquer la direction de Tsahal et la crédibilité des informations fournies par les services de renseignement. Quant à Moshe Dayan, ministre de la Défense, je vous le rappelle, sa réaction est proprement ahurissante. Il estime qu'Israël est menacé de destruction et il pense mobiliser toute la population, y compris les vieux et même les juifs de la diaspora. Et c'est là où Golda Meir, elle-même, envisagera un instant d'avoir recours à la bombe atomique. Oui, mais ce que tous ignorent, c'est que Sadat n'a nulle intention d'envahir Israël, ni même de mener une guerre longue. Ce qu'il veut avant tout, c'est effacer l'humiliation de la guerre des 6 jours. Dans cette mesure, il a réussi. Ah oui, parce que même si après quelques jours, Tsahal va réussir à retourner la situation et à faire une incursion sur la rive occidentale du canal, le mythe de l'invincibilité d'Israël s'est écroulé. Et Sadat, tout en perdant finalement la guerre, donnera l'impression de l'avoir gagnée. Observons quand même que les pertes humaines ont été lourdes des deux côtés. 2700 morts du côté israélien et 12 000 pour les deux armées arabes. Oui, mais à l'échelle d'Israël, qui ne compte alors que 3 millions d'habitants, je crois, ces 2700 morts représentent une saignée proportionnellement beaucoup plus importante. Bien entendu. Alors voyons maintenant quelles ont été les conséquences de cette guerre du Kippour pour les acteurs de ce conflit. Il y a aussi le choc pétrolier qui va concerner tout l'Occident. Évidemment. Mais le temps me manque pour en parler. Et puis c'est un sujet que j'ai autrefois abordé avec vous. Je me souviens, vous avez mis en lumière les curieux comportements des grandes compagnies pétrolières. Qui ont joué un rôle trouble dans cette affaire et même dans le déclenchement de la guerre du Kippour. Alors, bon, n'y revenons pas car les plus curieux de vos auditeurs pourront sans doute consulter les archives de nos entretiens. En Israël, après la guerre, et c'était inévitable, on s'est livré à quelques règlements de compte. Dès novembre 1973, une commission d'enquête a été chargée d'enquêter sur les défaillances de la guerre du Kippour. Et son premier rapport, rendu en mars 1974, s'est révélé accablant pour la direction militaire et surtout la manne, dont les chefs se sont obstinés à nier la menace. Oui, en particulier le général Zeira. Et il faut noter que dans ce rapport, on mentionne l'existence d'une taupe arabe, sans toutefois mettre en cause sa loyauté. Autre conséquence. En avril 1974, Golda Meir démissionne. Elle est remplacée par Rabin. Mais son départ indique aussi que l'étoile des travaillistes a singulièrement pâli. Et 3 ans plus tard, c'est la droite nationaliste du Likoud qui l'emportera triomphalement aux législatives. Ouais, la victoire de Menachem Begin. Hein. Alors intéressons-nous maintenant au destin de Marwan après la guerre du Kippour. D'abord, l'espion rompt toute relation avec le Mossad. Il se consacre désormais à sa carrière politique. En mars 1974, il est nommé au poste de secrétaire aux affaires étrangères auprès de la présidence et s'emploie à resserrer les liens entre le Caire et Washington. Rapprochement qui aboutira à un accord en vue d'un premier retrait israélien dans le Sinaï. En 1975, il accompagne Sadat lors de sa visite à Washington. Cependant, en mars 1976, il trébuche et perd ses fonctions à la présidence. Bon, pourquoi ? Sa réussite a provoqué des jalousies. Et puis les Nassériens lui en veulent toujours d'avoir trahi leur camp en mai 71 pour allier Sadat. En outre, il est soupçonné de se livrer à des trafics d'influence et d'être corrompu. Vrai ? Peut-être. Mais il n'est pas impossible que les services soviétiques aient orchestré une campagne contre lui, l'américanophile. Peut-être même agent de la CIA. On a fait aussi courir le bruit qu'il entretenait une liaison avec l'épouse de Sadat. Résultat, Marwan est écarté, mais récupère la direction de l'Organisation arabe pour l'industrialisation qui regroupe l'Égypte et les monarchies du Golfe et dispose d'un capital dépassant le milliard de dollars. Toutefois, en 1978, il est encore une fois viré. Certains estiment que Marwan s'enrichit un peu trop vite. Ah bon ? Que devient-il alors ? Ben, il a alors 35 ans et quitte la scène politique avec les honneurs, une médaille que Sadat lui décerne pour service rendu durant la guerre du Kippour. Durant la guerre du Kippour, alors ce serait une sorte de reconnaissance de son rôle occulte d'agent double. Ça y ressemble, non ? Marwan s'installe à Londres et débute une carrière de businessman qui le rendra multimillionnaire. Ouais, il doit exploiter son carnet d'adresses. Dans le monde arabe. Ouais. Toutefois, dans les années 90, l'espion commence à être rattrapé par son passé. Je vous l'ai dit, le général Zeira, ex-chef de l'Aman, publie un ouvrage dans lequel il tente de justifier son action durant cette période et met en cause un agent double qui a sciemment trompé le service sur les véritables intentions de l'Égypte. Ah, il désigne Marwan, mais nommément, non ? Non, mais il donne des indications qui permettent éventuellement de l'identifier. Puis en 1999, l'historien Aaron Breckman précise dans un ouvrage que l'espion principal d'Israël en Égypte était le bras droit de Sadat et que c'était un agent double. Puis en 2002, dans un autre livre, il écrit qu'il s'agit d'un membre de la famille très proche de Nasser, connu sous le pseudo de Gendre. Ah bah cette fois, c'est clair. Et un peu plus tard, Breckman accorde une interview à un journal du Caire et révèle pour la première fois l'identité de Marwan. Par la suite, Breckman s'en voudra car il est persuadé d'avoir ainsi enclenché la bombe à retardement qui allait conduire à la mort de l'espion. La mort de l'espion est mort comment alors ? Encore un peu de patience, monsieur Penaud. À la suite de cette publication, Marwan prend contact avec l'historien. Bon, pourquoi ? Ben, il veut livrer sa vérité. Oui, il a bel et bien été un agent double, mais il n'était qu'un des rouages d'une vaste entreprise d'intoxication menée par Sadat contre Israël. Mmh. Et justement, alors en Israël, on doit suivre ça de très près. Hein. Et la polémique fait rage. Et tant au Mossad qu'à l'Aman, après enquête, on affirme que Marwan n'était pas un agent double, ce qui provoque la fureur du général Zeira. Mais la version officielle demeure. Marwan n'a jamais nui aux intérêts de l'État hébreu. Bah, il est difficile d'avouer qu'on a été abusé. Hein. Oui, en effet. En juin 2007, Marwan imagine de rédiger ses mémoires et recontacte par téléphone l'historien Breckmann. Une rencontre est prévue pour le lendemain, mais l'ancien espion ne viendra jamais au rendez-vous. Il est tombé du 5e étage de son luxueux immeuble londonien. Un accident ? C'est peu vraisemblable, compte tenu de la hauteur de la balustrade. Quant au suicide, il est tout aussi improbable, car l'Égyptien n'a laissé aucune lettre d'adieu. Alors, un assassinat ? Sans doute. La police londonienne enquêtera sans obtenir de résultat jusqu'en 2010. Seul indice, on aurait aperçu deux hommes de type oriental en train de contempler le corps gisant au sol depuis la terrasse de l'appartement de Marwan. Mm-hmm. Les tueurs ? Mais ces hommes ne seront jamais retrouvés. Alors, bon, s'il y a eu assassinat, qui ? Les candidats ne manquent pas. Il pourrait d'abord y avoir des gens avec lesquels Marwan était en affaire. Et des affaires souvent sensibles. Ensuite, évidemment, on pense au passé d'espion de Marwan. Aurait-on voulu empêcher l'Égyptien de publier ses mémoires ? Et si c'est le cas, qui avait intérêt à s'y opposer ? Dans l'hypothèse Marwan à Jandoul, on pense d'abord aux Israéliens qui n'auraient pas envie que la duplicité de Marwan soit rendue publique. Certes. Aller jusqu'à le tuer, quand même. Alors, qui d'autre ? Les Égyptiens, bien sûr. D'accord, il semble bien que l'agent double ait travaillé d'abord pour son pays, mais un agent double n'est guère fiable. Et puis Marwan aimait beaucoup, beaucoup trop l'argent. Ne pouvait-il raconter quelques secrets bien embarrassants pour des chefs de l'armée qui se sont si souvent nourris sur la bête ? Bref, vous ne savez pas. Mais ce qui me trouble quand même, c'est que l'Égypte a réservé à l'espion des obsèques quasi nationales. Et que Moubarak a solennellement rendu hommage à ce patriote loyal envers son pays, niant le fait que Marwan ait été un agent à la solde d'Israël, et affirmant surtout qu'il était encore trop tôt pour révéler le véritable rôle du héros dans la guerre d'octobre 73. On aura peut-être une suite si les archives égyptiennes s'ouvrent un jour. Oui, mais en face, en Israël, on n'en apprendra pas plus, car en 2012... le procureur général israélien a décidé de clore le dossier Marwan pour motif de prescription. À samedi prochain, sur franceinter.fr, vous trouverez la liste de tous les livres consultés qui ont traité de ce sujet. À lire aussi dans le dernier numéro de la très bonne revue Guerre et Histoire qui vient de paraître, une enquête fouillée sur la guerre du Kippour et notamment sur les moyens spéciaux qui dépendaient du renseignement militaire, mais que son chef, le général Zeira, a refusé d'activer au bon moment. Rebecca de Nantes a préparé cette émission, réalisée par Michel Billou, mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après les infos, CO2 mon amour de Denis Chessou.